La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. XXIe séance, de la troisième encore et encore. On revient au début du texte, juste avant le petit passage que je vais lire. Donc il y a l'introduction et Lacan immédiatement, donc, centre son propos sur le cogito. Alors moi je dis cogito parce que je prononce le latin à l'ancienne avec les consonnes dures et le ou, etc. Mais on... Tu sais pourquoi je ne le dis pas comme ça? Oui, parce que ça fait coito. Ben oui, ça fait coito. Oui. Eh bien oui. Donc le cogito cartésien, et pourquoi? Donc ça on verra par la suite. Donc on va essayer de déployer un peu les virtualités contenues dans cette lecture de Lacan. Mais pourquoi il parle de ça, juste avant l'introduction? C'est quand même qu'il rebondit sur la formule clé de l'enseignement freudien, « Wo es war, soll ich werden ». Donc, ça se pose en termes de « ich », de sujet, l'histoire de l'inconscient. Freud ne le dit pas comme ça, lui, il n'a pas encore cette notion de sujet, il dit « i », et donc il met une majuscule à « i ». Donc ça, c'est très important, parce que, justement, Lacan disait que la langue anglaise était réfractaire à l'inconscient. On remarque que dans la langue anglaise, en fait, contrairement à la langue allemande, où est née la psychanalyse, et donc la possibilité de retrouver l'inconscient dans la langue elle-même, tous les substantifs ont une capitale dans la langue allemande. Je le sais parce qu'en tant que graphiste et typographe, par exemple, le travail sur la lettre fait que dans la lecture de la langue allemande, les typographies allemandes, il y a moins d'écart entre les capitales et les bas de casse pour pas que l'œil fasse sans arrêt un mouvement comme ça, parce que tous les substantifs ont une capitale. Dans la langue anglaise, il n'y a que le mot I qui est en capitale, c'est-à-dire je, mais dans le sens moi, je. Donc, dans le cogito, on est au cœur, en fait, de cette question du sujet. Donc, le je pense, donc je suis cogito ergo sum de Descartes, voilà comment Lacan le lit. Je pense, donc, se jouit. Ça rejette le donc usité qui se dit je suis. Je fais un petit badinage là-dessus. Rejeter, si c'est à entendre comme ce que j'ai dit de la forclusion, que rejeter le « je suis », ça reparaît dans le réel. Ça pourrait passer pour un défi à mon âge. À mon âge où, depuis 3 ans, comme on dit ça aux gens à qui on veut l'envoyer dans les dents, depuis 3 ans, Socrate était mort. Mais, même si je défuntais, à la suite, ça pourrait bien m'arriver, c'est arrivé à Lévi-Strauss, comme ça, à la tribune. Descartes n'a jamais entendu, à propos de son « je suis », qu'il jouissait de la vie. Ce n'est pas ça du tout. Quel sens ça a, son « je suis » ? Exactement mon sujet à moi, le « je » de la psychanalyse. Naturellement, il ne le savait pas, le pauvre. Il ne savait pas, ça va de soi, il faut que je lui interprète, c'est un symptôme. Car de quoi est-ce qu'il pense avant de conclure qu'il suit ? La musique de l'être, sans doute. Il pense du savoir de l'école dont les jésuites, ses maîtres, lui ont rebattu les oreilles. Il constate que c'est léger. Ce serait meilleur tabac, c'est sûr, s'il se rendait compte que son savoir va bien plus loin qu'il ne le croit à la suite de l'école, qu'il y a de l'eau dans le gaz, si je puis dire, et du seul fait qu'il parle, car parler de la langue, il a un inconscient, et paumé comme tout un chacun qui se respecte. ce que j'appelle un savoir impossible à rejoindre pour le sujet, alors que lui, le sujet, il n'y a qu'un signifiant seulement qui le représente auprès de ce savoir. C'était représentant, si je puis dire, de commerce, avec ce savoir constitué pour Descartes, comme c'est d'usage à son époque, de son insertion dans le discours où il est né, c'est-à-dire le discours que j'appelle du maître, le discours du noblio. C'est bien pour ça qu'il n'en sort pas avec son « je pense, donc je suis ». Voilà, fin de citation. Donc la manière dont Lacan introduit sa lecture du cogito cartésien avec une inversion, donc il se sert du jeu métonymique de la langue, le sum du latin, parce que c'est écrit en latin, pour dire suis, je suis, et il inverse ensuite, comme dans une contrepèterie, le je suis en se jouit. Ce faisant, donc je pense, donc se jouit, il désarticule le cogito. Il va induire là que le premier je n'est pas égal au deuxième je. Puisque le je n'est pas marqué pronominalement dans la langue latine, puisqu'il est inclus dans le verbe lui-même. Cogito, c'est la première personne du singulier. Sum, c'est la première personne du singulier. Il n'y a pas un pronom pour dire je. C'est déjà inclus dans le verbe lui-même. Donc, il utilise ce passage du latin au français pour dire que ce n'est pas aussi simple qu'il paraît, la lecture de ce cogito lacanien, je pense donc je suis, cogito ergo sum. Et en fait, ça correspond à une bascule dans l'histoire de la pensée. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, Foucault appelait ça le moment cartésien. Ce n'est plus la même chose avant et après Descartes. Il y a vraiment, il s'est passé quelque chose juste avec cette formule dite en trois mots, cogito ergo sum. Un mouvement s'installe et qui va avoir des conséquences phénoménales sur la manière dont nous allons percevoir le monde et donc, à partir de là, se le représenter, être pris dans la langue. Donc la lecture de ce cogito est vraiment fondamentale. Et pour Lacan, donc, c'est la pensée de la science. À partir de là, donc, c'est la science moderne. Alors on reverra peut-être tout à l'heure, parce que je voudrais plus qu'on soit dans une conversation avec Patrick, parce que ce sont des notions très complexes, et je voudrais qu'on ramène ça à des considérations justement pas simplistes, mais assez simples, pour se rendre compte que de cette bascule décisive, il y a énormément de choses en jeu dans aujourd'hui notre manière de penser. Et je vais peut-être aborder un peu tout à l'heure, parce que aujourd'hui, par exemple, chez les Américains, dans les cultural studies notamment, on met dans le même sac, en gros, Foucault, Derrida, Lacan, c'est déconstructionniste. Et Lacan n'a rien à voir avec ça, et donc justement, Derrida et Foucault se sont étripés sur la lecture du cogito. Ils se détestent pour ça, parce que je vais essayer peut-être de dire deux mots tout à l'heure sur comment le lit Foucault et comment le lit Derrida, et en fait, ça crée une tension, et Lacan n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire la manière dont lui le lit transcende et dépasse justement les problèmes d'ordre philosophique, puisque le sujet de la psychanalyse n'a rien à voir avec le sujet de la philosophie. C'est-à-dire le sujet de la connaissance, le sujet de la psychanalyse, c'est autre chose, c'est le sujet du savoir, et donc c'est le sujet du savoir absolu, on peut dire, ça n'a rien à voir avec le sujet de la philosophie. Donc cette lecture-là est très importante, parce qu'aujourd'hui, la plupart des études et de toutes les réflexions qui ont lieu sur la soi-disant libération des soi-disant individus que nous sommes, passe par un refus radical du cogito cartésien, et le cartésianisme est balayé. Lacan, lui, non, il dit c'est le sujet, mon sujet de l'inconscient, il est là, chez Descartes, ce qui peut paraître curieux et paradoxal a priori. Et donc, c'est cette nuance-là qu'on va essayer de déployer un petit peu. Oui, là, ce qui est important, enfin, tel qu'il nous le présente dans la troisième, c'est donc en 74, on a l'impression qu'il avance ça pour la première fois, alors que tous les séminaires d'avant, il l'a complètement articulé et complètement déplié. Donc c'est pas une nouveauté qu'il présente là dans son enseignement, mais bon, ça apparaît comme ça ici. C'est pour ça que ça a un sens assez énigmatique. Hein. Alors, ce qu'on a retenu de lui dans la doxa, c'est vrai que ça devient un énoncé transparent à lui-même. Hein. Je pense donc je suis, tout le monde dans le monde, tout le monde pense que c'est comme ça. Quand je dis quelque chose, c'est ça, voilà, hein, je suis là dans ce que je dis. Hein. Mais évidemment, dans ce que je dis, il se passe autre chose. Et c'est une pensée, justement, là où on voit que le cogitans débouche sur un cogitatum qui est, en fait, que je suis l'objet de ma pensée. Mais quand je dis je pense, c'est pas prouvé que ce soit une pensée. Quant au sujet de cette pensée, c'est pas forcément le sujet dont il s'agit. Hein. Il va falloir faire une distinction entre ce qu'est le sujet de la phrase dans l'énoncé, sujet du verbe, et le sujet de l'énonciation, qui est justement beaucoup plus difficile à appréhender. Et c'est vrai que, tu l'as souligné, Lacan a redonné dans sa lecture de Descartes, tout en l'ironisant sur « il faut que je lui interprète comme ça, c'est une provocation enseignante pour exciter un peu les gens et probablement pour faire des petits signes aux philosophes qui le critiquent ». Mais au fond, il a déplié ça pour montrer que la démarche de Descartes, c'est pas du tout de fonder le « je pense dont je suis » comme étant une pensée transparente à elle-même. Hein. Oui. C'est vraiment, je vise autre chose, et il vise une séparation qui est en train de s'opérer entre le savoir et la vérité. Oui. Tu permets, j'ajoute encore un petit truc. Et tout spécialement, du côté de la vérité, il va interroger le dieu trompeur, le dieu malin, le mauvais génie, qui nous fait tant de misère dans l'existence, justement. Hein. Voilà. Voilà. Mais justement, pour revenir à pourquoi il a fait ça, Descartes, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, s'il arrive à cette formule-là, c'est parce qu'il essaye de trouver lui-même une certitude absolue à partir de laquelle quelque chose de solide peut être construit. Donc, il élimine les sens trompeurs, parce que il se rend compte que je peux avoir une perception sensorielle et en fait être induit en erreur par cette perception. Il élimine les rêves, il élimine la folie, il élimine le plus radical d'entre tout, effectivement, c'est le mauvais génie. Et si tout ce qu'on percevait, tout ce qui se donne à nous, comme ça, était une erreur. C'est-à-dire que si on était conduit par un malin génie. Alors il y a un exemple plus simple pour comprendre, c'est que on disait que 2 et 2 ça fait 4. Hein. 2 et 2 ça fait 4, vous êtes tous d'accord avec ça. Mais il se trouve que dans les développements ultérieurs de la mathématique, justement, on a démontré, c'est très simple à comprendre, on verra ça tout à l'heure, c'est que 2 et 2 ça fait pas toujours 4. Dans la théorie des ensembles, ça donne pas toujours 2 et 2 égale 4. Donc c'est pas une certitude. Alors Descartes, il y a un problème, c'est que en posant cette formule d'un savoir presque universel, donc d'une certitude, met en cause, bien entendu, le créateur dans tout ça. Hein. Parce que la certitude... C'est une formule relativement athéiste. Et comme il avait l'Église aux fesses, hein, il a dit, bon, d'accord, 2 et 2, ça fait 4, parce que Dieu le veut, quoi, en gros, hein. Mais il a quand même été obligé d'émigrer parce qu'il était en France menacé. Il a été accueilli en Suède par la reine Christine, avec qui il a fait beaucoup de choses variées. C'était quand même un joyeux vivant. C'était pas un philosophe triste, mais oui. C'était un joyeux vivant parce que l'essence de son truc, c'est de ce côté-là. Et tu as raison de souligner cette histoire de fondement de la certitude, c'est que tout le monde voudrait pouvoir inventer un truc dont il soit sûr. Hein, au moins, si on pouvait chacun de nous inventer un petit bout de truc qui permettrait de nous tenir, ça nous soulagerait dans l'existence. Hélas, c'est très rare et tout. Hein, voilà, parce que ce qu'il dit, c'est même si je suis complètement fou, gouverné par un mauvais génie, le fait de penser ça, c'est quelque chose que je ne peux pas remettre en question, puisque je le pense. Même si c'est faux, en fait, au sein même de la fausseté et de la folie, le fait que je le pense fait que je suis celui qui pense ça. Alors, c'est là qu'est le piège. Voilà, c'est là qu'est le piège, effectivement. Puisque il réduit à l'ensemble des déterminations, on appelle ça des prédicats en linguistique, et donc il reste plus que le « je » qui reste fixe, et donc qui est celui qui pense ça. Mais sauf que, effectivement, comme tu viens de le dire avec le sujet et l'objet, si le « je » pense, il pense à quoi ? À un objet. Puisque qu'il est devenu lui-même. Donc c'est le dédoublement du sujet en objet. Et donc le premier jeu ne peut pas être identique au deuxième jeu. Et donc là on arrive à la phase, donc je pense donc se jouir. Puisque le deuxième jeu ne peut pas être identique au premier, c'est-à-dire le sujet, c'est le sujet, cette fois, d'un énoncé qui est pris comme objet par le sujet d'énonciation. Donc se jouir. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va essayer de ne pas aller trop vite là, parce que ça va, on va se perdre. C'est-à-dire que le moment cartésien, que Lacan reprend, effectivement, c'est le moment de l'émergence de la science moderne. C'est-à-dire que le savoir, depuis l'Antiquité, avec l'épistémé jusqu'à cette période-là, bien sûr, il y a tous les gens qui ont défilé pour définir ça, c'était un savoir qui avait des assises dans les mythes, et dans les contes, enfin dans toute une série de choses, et qui fonctionnait par rapport à une subjectivité. Tandis que là, en éradiquant la notion de sujet, on arrive dans un discours de certitude, et c'est pour ça que la science moderne vient se loger à cet endroit-là, attrape ça, parce que ça lui permet de développer un savoir dans un discours sans faille. Hein. On se fout de la vérité dans la science, et on avance des énoncés dont on démontre la certitude à partir d'opérations logiques qui éliminent complètement la dimension du sujet. C'est pour ça que je t'arrêtais au niveau du se jouir, parce que dans la science, on ne parle jamais de la jouissance, et dans la médecine, on traite le corps comme une machine, sans tenir compte que c'est un corps comme une substance jouissante, hein, et que c'est tout à fait autre chose qui se passe justement à ce niveau-là. Donc, émergence d'un discours cohérent, qui a une forme logique, qui permet, c'est tout à fait nouveau par rapport aux périodes antérieures, parce que les savoirs, en fait, avant cette période-là, c'était des savoirs qui étaient d'appartenance au sujet qui les émettait. C'est ça. Hein, attends, tu me laisses finir ? Oui. Tu me fais foncer. On avait dit qu'on ne foncerait pas, qu'on tâcherait de converser. À table, on s'est dit ça. Hein? Alors du coup, tu m'as fait perdre un peu le fil de ce que je voulais dire. Tandis que là, il est en train d'émerger un savoir qui peut s'accumuler. C'est-à-dire qu'on peut le calculer, on peut, comme ça s'est produit, le tronçonner en unité de valeur, en unité de savoir, en unité de valeur. Je pense que ceux qui vont à l'université comprennent ce que ça veut dire. Donc c'est un découpage artificiel. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que puisqu'il est comptable, accumulable, comptable, on comprend pourquoi ça rentre dans la logique capitaliste. Et que ce n'est pas par hasard qu'effectivement, ça s'est répandu, comme vous pouvez le constater actuellement. Hein. Il faut acquérir le savoir, découper en termes d'unités de valeur, par exemple, pour pouvoir décrocher des diplômes, et ça n'a plus du tout la valeur de ce que pouvait être dans les écoles antiques l'apprentissage d'un savoir-faire pour vivre, hein, savoir un style de vie. C'est justement là où je voulais éclairer pour décaler, pour bien comprendre que auparavant le savoir était indissociable du sujet qui devait l'acquérir. C'était impossible de penser la vérité et le savoir sans celui qui allait l'acquérir. Donc il faut avoir des qualités, une certaine... c'est... Depuis le monde grec, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une vérité qui était indépendante du sujet. À partir de Descartes, du moment cartésien, cette fois, il y a scission entre le savoir et la vérité. Puisqu'il peut y avoir une vérité qui vaut pour tout le monde, quel que soit le sujet qui y est concerné. C'est là la bascule du moment cartésien. Alors que jusqu'à ce moment-là, c'était impossible de penser ça. Donc c'est en même temps une ouverture et une fermeture. C'est-à-dire que quelque chose se referme de l'ordre du rapport du sujet à la vérité, quelque chose s'ouvre de l'ordre de la possibilité de la science moderne qui pense des vérités indépendamment du sujet. Mais cette indépendance du sujet est devenue aujourd'hui l'éradication du sujet. C'est plus l'indépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science pense, entre guillemets, puisque pour Heidegger, sa phrase est très simple, la science ne pense pas, point. Donc, lui, il fait la différence entre ce qu'il appelle la pensée calculante et la pensée, c'est-à-dire la pensée calculante, justement, le calcul, c'est pas de la pensée. Donc, ça repose sur le nombre. Ça repose sur le nombre, et donc c'est le monde dans lequel on vit, c'est le discours dans lequel on vit. C'est pour ça qu'il nous faut être à la fois humble et prudent, ne pas faire comme si on pouvait nous-mêmes s'extraire du discours dans lequel on est pris. Parce qu'on ne peut pas monter sur ses propres épaules pour se voir au-delà du discours dans lequel on est pris. Aujourd'hui, on est pris absolument dans ce discours-là. Donc, c'est juste pour dire qu'à la fin, quand Lacan dit qu'il ne peut pas en sortir, là, parce qu'il est pris dans le discours du maître, le discours de l'oubliant. Donc ça, on revient à la séance précédente. Quelles sont les possibilités pour le sujet de s'extraire du discours dans lequel il est pris? Alors, il souligne effectivement un truc très important aussi, c'est que les philosophes dans la tradition pensaient, évidemment, ils élaboraient des systèmes du monde, des conceptions du monde. Et alors, par exemple, Platon, encore une façon de l'attraper du mauvais côté, beaucoup de gens se réfèrent à son texte sur la République. Il ne faut pas oublier que la République, c'est une république des maîtres, hein, donc une démocratie des maîtres qui fonctionne parce qu'il y a des esclaves. On oublie ça quand on veut le prendre aujourd'hui comme référence de ce que serait une démocratie. Ça, c'est tout à fait... Il faut bien discerner ces choses-là. Et Platon, comme philosophe, justement, parce que c'est pas n'importe qui, il se moque de son propre système dans son texte sur la République. C'est plein d'ironie. En gros, il n'y croit pas, quoi. Il dit que ça colle pas, ce truc-là. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Je te laisse la parole, ça va me revenir. Oui, donc, alors, dans le jeu, je pense, donc, se jouit dans cet écart qu'il fait entre les deux jeux, du je pense et du je suis, donc il devient se jouit. Ça veut dire qu'il met en scène ce qu'il appelle par ailleurs le choix forcé. Le choix forcé, c'est le choix, mais c'est un choix où le sujet est toujours perdant, puisque c'est un choix forcé. Donc, entre le penser et l'être. Donc c'est à partir de là que Lacan va déployer, dans un premier temps, de choisir le penser. Donc là où je pense, je ne suis pas. Donc ça, c'est dans les quatre concepts fondamentaux. Et après, dans la logique du fantasme, qui n'est pas encore édité par Miller Corporate, mais dont on dispose, il inverse, c'est-à-dire qu'il il choisit le je suis. Tu vas trop vite. Alors vas-y, reprends. Trop vite parce que, mais c'est vrai que on est sur cette pente toujours, mais il faut faire un travail d'approche de ce truc-là. Ah, vas-y. Alors je reprends la veine de mon truc que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que les philosophes, en tout cas dans la tradition occidentale, ils étaient au service du maître, en fait. Et l'opération qu'ils faisaient, ça c'est une interprétation que fait Lacan, l'interprétation c'est que, comme le fait Socrate quand il interroge l'esclave, il lui pose des questions telles que forcément l'esclave va lui répondre, puisqu'il lui donne déjà la réponse dans la question qu'il lui pose. Et que c'est une opération où on dérobe à l'esclave son savoir pour le mettre au service du maître. Hein ? C'est comme l'artisan qui sait faire les choses et qui transmet ça, et on s'en sert pour servir le maître. C'est un savoir au service du maître. Et Descartes vient à un moment ultime, justement, où le savoir qui a été élaboré antérieurement, tous ces savoirs mythiques, qui ont quand même des impacts très importants sur des tas de civilisations, même encore maintenant aujourd'hui, c'est un savoir qui est déjà trafiqué par le maître. Hein ? Il y a une imposture déjà là du fait de penser que quand on dit quelque chose, c'est une certitude, c'est un mathème, c'est une théorisation, c'est fixé comme ça et qu'on ne pourrait rien faire de ça. Voilà déjà quelque chose comme ça qui se présente là, dans ce moment particulier. Ce n'est pas par hasard que la science s'est mise à ce moment-là à se dégager de tout ce qui était auparavant. Hein, voilà. Donc on peut dire qu'à partir de... Le choix, c'est important, tu comprends, là, hein, oui. Par rapport au choix. Hein. Ben oui, parce que Lacan, il a déjà sa matrice des discours en tête. Et donc il sait bien que le sujet de la psychanalyse n'est pas le sujet de la philosophie. Il y a un texte qui est d'ailleurs très facile à lire, puisque c'est une transcription du cours que Foucault donnait au Collège de France dans les années 80, je crois 81, qui s'appelle « L'herméneutique du sujet », où il déploie depuis l'Antiquité toutes les occurrences et les possibilités de « upo » ou « upomeikon », qui était la manière de dire le sujet, et la manière dont le sujet se déploie. Ce sujet-là, justement, n'est pas le sujet de la psychanalyse, puisque le sujet de la psychanalyse, il est scindé en deux. Ce qui veut dire que la sexuation elle-même, c'est en là où la psychanalyse aussi ne peut absolument pas souscrire au mythe contemporain de la gender theory, puisque c'est là où on rejoint le fait que quand on met dans la French theory, comme le font les cultural studies aux États-Unis, qui après viennent irriguer les universités françaises, par ce mix-là entre Foucault, Lacan et Derrida, ça ne marche pas du tout, parce que le sujet de Lacan n'est justement pas ce sujet-là dont parle Foucault, qui est un sujet de la connaissance, c'est-à-dire qu'en fait c'est un sujet empirique, le sujet de Foucault. Tandis que le sujet de Lacan, c'est un sujet qui est a priori divisé par le signifiant. C'est-à-dire, le « je pense, donc se jouit », c'est le moment où le sujet se scinde en deux, entre la partie du « je pense » et la partie du « je suis », qui ne sont pas les mêmes. Alors, peut-être c'est encore trop tôt, dire... Non, vas-y. Dans le premier temps, parce que le paradoxe, c'est ça, c'est qu'il y a un emboîtement de concepts. La scission correspond à la sexuation, donc aux formules de la sexuation lacanienne, c'est-à-dire le côté homme et le côté femme. Ce qui ne veut pas dire que ça correspond à quelque chose d'anatomique, homme et femme. Ça veut dire la manière dont la structure va faire que le sujet va être ou d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, en gros, dans l'exception constitutive, côté homme, et côté femme, du côté du pas-tout. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais totaliser l'ensemble des possibilités. Donc ce sont des éléments logiques qui font que le sujet est un sujet sexué. Il faut que j'allume, parce que je crois que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pouvez juste allumer derrière ? Pour reprendre la formule, pour vous montrer comment la chose bascule avec Lacan. Prenez la formule « je pense, donc je suis ». Donc vous ne pouvez que continuer « je pense, donc je suis, je pense, donc je suis, je pense, donc je suis ». Donc je suis en face de vous, je pense, donc je suis. À un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez dire « celui-là, ce type qui est en train de parler, ben, il dit « je pense, donc je suis ». Il est celui qui dit « je pense hein ». Et qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que le processus de dire « je pense, donc je suis », ça ne peut pas être infini. À un moment donné, il va y avoir un arrêt. Le coup d'arrêt, c'est quand les auditeurs vont me renvoyer, il est celui qui dit « je pense, donc je suis ». Et vous épinglez d'un trait signifiant celui qui dit « je pense, donc je suis ». Autrement dit, je suis identifié, marqué par un trait unaire, comme le sujet qui dit « je pense, donc je suis ». Et bien entendu, ce qui qui passe muscade pour beaucoup de gens d'ailleurs, c'est que quand je dis je pense, personne ne se dit mais c'est pas une pensée ça. Hein. Je dis je pense, on peut le dire, c'est gratuit, c'est pas une pensée. Et je suis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est quoi lui? Hein? Il est celui qui a dit je pense, donc je suis. Vous voyez le mouvement qui fait que c'est pris dans le registre signifiant, et là on voit apparaître effectivement comme tu viens de le pointer, la différence qu'il y a entre le sujet du verbe, le jeu du verbe, et le sujet de l'énonciation qui, lui, ne peut pas être, en gros. Il est marqué par un signifiant dans lequel il ne se reconnaît pas lui-même, puisqu'il répète toujours la même phrase. Et c'est ce signifiant-là qui est déjà l'indice, justement, de ce que le sujet de l'énonciation est un sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Il n'est pas, comment dirais-je, entièrement pris dans l'énoncé. Il est différent du sujet du verbe, du sujet de l'énoncé. C'est un sujet qui disparaît. Alors, Lacan a une phrase absolument terrible, c'est qu'il dit qu'au fond, quand je parle, je peux venir, et ça c'est très important, je peux venir à l'être, parce que puisque c'est je pense donc je suis, on se dit mais de quel être il s'agit, je peux venir à l'être de disparaître de mon dit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où je parle, je disparais comme sujet, parce que je ne peux pas rejoindre le lieu même de l'énonciation où je suis en train d'émettre une pensée. Hein. Et c'est pour ça que quand vous parlez, comme moi je le fais ici, de temps en temps on se perd. Hein. Vous voyez, on ne sait plus ce qu'on va dire, on ne sait plus ce qu'on dit, parce qu'on se trouve dans l'inconscient et on n'a plus aucune orientation jusqu'à ce qu'on ait rappelé à l'ordre du discours courant pour revenir et communiquer et parler avec ceux avec qui on essaye de dialoguer. Hein. Voilà comment ça commence à basculer. Hein. C'est ça. Alors, c'est pour ça que tu fais la disjonction là, qui apparaît entre la pensée et l'être. Hein. Du côté de la pensée, le savoir, articulable, avec des théorèmes, avec des textes, avec tout ce qu'on voudra, et du côté de l'être, une énigme qui est l'énigme de la vérité de ce qu'est l'être. Et on va voir, effectivement, au fur et à mesure aujourd'hui, à propos de ces choix forcés, on va voir comment Lacan va définir cette fameuse, et reprendre cette formule de Freud, parce qu'il va la traduire de façon différentes à chaque fois, pour nous faire approcher de quoi il s'agit dans cette notion de l'être. Wo es war, soll ich werden. Voilà. Alors déjà, il souligne bien, parce que ça a été traduit d'une façon ordurière, par des gens qui ont dit le moi doit déloger le ça. Hein? Déjà, c'est déjà une tromperie sur le sens du texte. Et comme Lacan est un lecteur, un fin lecteur, il reprend le texte de Freud, et moi je suis allé chercher dans son texte en allemand, cette phrase-là, il la prononce qu'une seule fois, dans toute son « Wo es war, soll ich werden », et il fait bien attention de marquer que, d'une part, le « ich », tu l'as souligné, il l'écrit avec une majuscule. Or, en allemand, « ich », ça fait le sujet ou le moi, sinon. Hein. Donc la majuscule permet de signifier qu'il s'agit de quelque chose du sujet, et le « ich », c'est le moi, parce qu'il y a un texte de Freud qui s'appelle « Le moi et le ça », où il dit « das ich, das » puis quoi, attends, c'est pas le truc, « das es, das ich hein. ». Le « moi et le ça » de sa deuxième topique, ça n'a rien à voir avec « là où c'était, je dois advenir ». Et ça a été déformé après en le moi, le ça, le surmoi, avec tout ce que vous savez de psychologisation du discours freudien dans l'enseignement universitaire. Il faut bien comprendre toutes ces nuances qui s'introduisent là. Le S, c'est que là où c'était, il y a déjà du sujet. Le sujet, il est là, mais il va falloir que le jeu, son fameux jeu de la psychanalyse, ce sujet dont on parle dans la psychanalyse, sol ich, qui a un devoir de devenir là où c'était déjà un ayant été sujet à l'origine de ce qu'est pour chacun son entrée dans le monde comme sujet. Hein, voilà les nuances qu'on va essayer de déplier aujourd'hui, parce que C'est très important à comprendre ça. Hein. Donc là où... Il ne s'agit pas, pour Descartes et surtout pour Lacan, de définir ce qu'est l'être, justement. Il va définir la place de l'être. C'est pas du tout pareil. Le Voeswar, c'est une place de l'être et non pas, ce n'est pas une définition de l'être. Et c'est pour ça que Lacan se sépare des philosophes. Hein. Il ne se pose pas la question de l'être. Ça ne veut pas dire que quelque part, il ne rejoint pas les problématiques de la philosophie, parce que lui va introduire ça du côté du réel, et qu'on sait très bien que les philosophes ont aussi parlé du réel et ont essayé aussi d'approcher cette question-là. Mais la voie d'accès n'est pas la même. Hein. Voilà. Donc le SVA CT, donc on est là du côté de l'être. Donc l'être, c'est la jouissance pour Lacan, et le Ich werden, le soll ich werden, ça c'est du côté de la pensée, donc du sujet. Donc on a cette opposition là entre les deux. Du côté de l'être, comme vient de le dire Patrick, c'est une question de place, c'est-à-dire c'est une topologie de l'être, et c'est un lieu vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être substantiel. Nous n'avons pas accès directement à l'être. Nous ne pouvons accéder qu'à la place de l'être par l'intermédiaire du sujet. Et à la place de l'être sous la forme d'un des-êtres, hein. et pas d'un être. Et oui. Là, j'en viens à disparaître de l'être de mon dit, hein, à l'être voilà. De disparaître de mon dit. Donc, il y a quelque part, là, la mise en scène d'un impossible. Donc l'impossible, c'est le réel. Et si justement la différence entre le sujet de la psychanalyse et le sujet de la philosophie, c'est que le sujet de la psychanalyse est une touche du réel. C'est-à-dire qu'il permet, en fait, d'accéder à son réel. Tandis que le sujet de la philosophie revient tout le temps, en fait, à un sujet de l'énoncé. Il n'est pas un sujet de l'énonciation. Puisque peu importe, en fait, ce que dit un scientifique, il a l'impression, lui, de dire le vrai sur le vrai à partir du concept de l'objectivité. Donc il nie lui-même que sa propre objectivité est l'objectivité telle qu'il la voit à travers la fenêtre de son fantasme. C'est-à-dire la fenêtre de son fantasme, c'est le S barré, poinçon, petit a. C'est lui qui dit ça. C'est pas quelque chose qui vaut pour tout le monde. Ça, c'est la supercherie du discours universitaire. C'est le discours universitaire fait comme s'il n'y avait pas un sujet qui énonce quelque chose. C'est-à-dire que ça, c'est ça. Dès que vous avez ça, Lacan dit, le dit ne va pas sans dire. Pour qu'il y ait un dit, il faut qu'il y ait eu auparavant un dire. Donc un sujet du dire. Là, on est dans l'énonciation, et le sujet du dire ne peut pas s'exclure lui-même du dit. Voilà, la grande supercherie scientifique, elle tient dans le fait que c'est objectif. Aujourd'hui, on dit les études ont montré, c'est quantitatif, etc. Je ne sais pas si on peut dire supercherie. Le scientifique, il ne raisonne pas avec son fantasme. Il raisonne avec ses machines. Quand tu dis fenêtre, tu as raison. Et maintenant, c'est la fenêtre de l'IRM, c'est la fenêtre du microscope, c'est la fenêtre du télescope. C'est ça que ça veut dire. C'est pas une supercherie, c'est-à-dire qu'il est dans ce discours-là. C'est-à-dire que la science moderne lui tombe dessus, parce que la science, on ne l'invente pas tous les jours, on invente des machines et des choses, mais elle est là, elle s'impose, et donc il est pris dans une objectivité, et il confond ce qu'il observe, lui, qui est la réalité de son appareil, avec ce qu'est le réel dont... on essaye de dégager la définition, et Dieu sait si c'est compliqué, parce que le réel est impossible à dire, le réel est impossible à écrire, et on ne peut l'attraper qu'en le ratant, et encore que par l'artifice d'une écriture. C'est-à-dire que dès qu'on se met, on ne peut faire que ça, que l'attraper par l'écriture. D'ailleurs, le réel ne cesse jamais de s'écrire, ne cesse pas de s'écrire, et que c'est toujours un artifice qui nous fait rater le truc. Il faut bien discerner les choses de ce point de vue-là, parce que si on dit que les scientifiques fonctionnent avec leur fantasme, on retrouve une thèse de Lacan qui va situer le discours scientifique sur deux piliers. Le pilier de la science moderne, qui est un pilier universitaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire de la science maintenant si vous n'êtes pas dans ce discours-là, parce que vous n'aurez pas les budgets qui vous permettront d'avoir les machines qui vous permettent d'explorer par exemple la matière. Hein. C'est comme ça. Par exemple, dans la théorie des quantas, c'est une théorie où on n'a toujours pas compris, on n'arrive pas à le piger, comment on peut nouer une théorie corpusculaire avec une théorie ondulatoire de la lumière. On produit par des expériences, le cyclotron, des phénomènes que les ordinateurs, dont les ordinateurs produisent des algorithmes, et on voit bien que c'est une façon d'imaginariser ce que pourrait être le réel. Et bien entendu, dans cette démarche, le réel pour la science tel qu'ils en parlent, il change tout le temps de sens. Ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. On s'aperçoit maintenant que le corps ne fonctionne pas comme on le croyait autrefois. L'immunologie, c'est pas tout à fait pareil maintenant. La génétique non plus. Il y a des révolutions qui petit à petit évoluent comme ça. Mais voilà, c'est comme ça le truc. Donc, la thèse de Lacan, c'est justement de dire que, et c'est ça son projet par rapport à la science, et c'est là qu'il donne une place à la psychanalyse, en disant que il souhaite que la psychanalyse, dans son rapport à la science, puisse permettre de réintroduire la considération du sujet dans la science. Vous comprenez en médecine ce que ça peut vouloir dire. Ça veut dire qu'on ne devrait pas recevoir les patients comme des objets qui ont une maladie et qu'on va rectifier d'une certaine façon par des protocoles thérapeutiques. D'abord diagnostic, parce que c'est plus de la clinique comme on en faisait il n'y a pas si longtemps que ça. Ça devient un protocole clinique d'observation du patient et un protocole thérapeutique applicable à tous, pas à un particulier qui, lui, avec telle molécule, ça ne lui va pas, il faut changer. Tout ça, donc Lacan va dire qu'il y a un des piliers, donc, qui est le discours universitaire, avec ce discours transparent à lui-même, ces unités de savoir qui ont leur valeur, bien sûr, qui ont d'ailleurs une grosse valeur marchande, et puis l'autre pilier, c'est le discours hystérique. Parce que c'est dans le discours hystérique que le sujet invente le nouveau. Il l'invente à partir d'une énonciation. Il y a toujours, au moment de la découverte de quelque chose dans la science, un type qui a mis sa peau là-dedans, et souvent avec des conséquences qui peuvent être irréversibles pour lui. Et puis, une fois que c'est devenu quelque chose de démontré par les expériences, ça passe dans le discours de la science et le sujet, il est évacué. Hein, on l'évacue. On peut donner à son théorème ou à son invention son nom propre, mais lui, comme sujet, il n'a plus à s'exprimer là-dessus, sauf si, bien entendu, il continue à produire. Hein. Dans l'histoire de l'humanité, ça s'est passé aussi. Les gens qui ont inventé des choses, on les a mis sur le bûcher. Pour vous dire que quand qu'on invente quelque chose de nouveau, dans les savoirs, le pouvoir, il ne supporte pas et vous pouvez être sacrifié. Voilà. Donc justement, c'est exactement la même chose pour la parole. C'est pour ça que quand il dit il a un inconscient comme tout un chacun, c'est-à-dire qu'il est paumé, Descartes, c'est il parle, il le dit textuellement dans ce que je viens de dire. Donc, ce qui veut dire que dans la manière dont, justement, on peut retrouver cette dimension du réel, c'est aussi par la parole. Puisque quand on parle, on manie du réel sans le savoir, en permanence. Contrairement à quand on écrit. Parce que même si le réel ne se donne que par un trait d'écrit, il n'empêche que c'est dans la parole et dans la possibilité de se tromper, parce que ce que découvre Freud, justement, pour replacer ça sur un plan clinique, c'est que il ne se place pas, lui, comme R docteur ou R professeur, où les gens viennent le voir, et puis il leur fait des ordonnances, il leur dit ce qu'il faut faire, etc. D'un seul coup, il se met en position d'écouter ce qu'elles disent, parce que ça commence comme ça. Écouter les femmes, puisqu'elles sont le réel, c'est elles qui représentent le réel. Et là, dans cette écoute-là, il réinscrit la possibilité de retrouver cette touche du sujet dans la parole. Or, aujourd'hui, par exemple, même la psychanalyse, qui est la dernière institution de la parole, doit passer par l'écrit. Sauf nous. Nous, on a, dès le début de la troisième, on a dit, même si on se trompe, même si on dit n'importe quoi, même si on se coupe, il faut parler et exclusivement parler, pas lire, on n'a pas de leçons à donner. On n'est pas là pour réciter des leçons, on est là pour essayer de laisser la parole parler au risque de se tromper. Ce que fait Lacan... Mais on a le droit de s'appuyer sur un écrit, de temps en temps. Ce qui fait, Lacan, justement, c'est pas Lévi-Strauss, vous savez, qui est mort, là, dont il parle. C'est Merleau-Ponty. Mais il met en scène lui-même, justement, que c'est dans la faille de la parole qu'il y a la possibilité de l'inconscient et donc du sujet. Parce que sinon, c'est tout le temps une négation de l'inconscient. Les institutions psychanalytiques sont les premières négatrices de l'inconscient. D'ailleurs, les gens qui sont à leur tête n'ont pas d'inconscient. Eux, ils sont là, ils donnent des leçons aux autres. Les solaires, les millénaires, ils expliquent aux autres ce qui ne va pas pour eux. Mais eux, non, ils n'ont pas d'inconscient. Nous avons un inconscient, donc on met en scène notre propre inconscient dans notre incapacité de parler correctement et de faire des nœuds avec la parole. Et pourtant, c'est seulement là que se laisse percevoir la dimension du réel. Voilà. Cette dimension du réel est indissociable du corps. Il faut qu'il y ait un corps pour ça. C'est pour ça que j'entends maintenant de plus en plus de gens qui disent que ils font des séances psychanalytiques par téléphone ou par Skype, je trouve ça absolument décadent, parce que sans la présence du corps parlant, c'est-à-dire sans qu'il y ait du réel, je pense pas que ce soit quelque chose de possible. La parole, il faut qu'il y ait un ancrage, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Ça s'appelle le grain de sable de l'énonciation, quand même, hein, le sujet. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas. Quand il y a du réel, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on fait pour tout colmater que tout ait l'air d'aller bien, c'est ça la négation du réel. Mais le réel, il le dit, il revient toujours. Hein. Il revient toujours à la même place et il revient de manière traumatique, toujours plus violente. Donc l'inconscient, c'est vraiment quelque chose de très logique, justement. Ça vient dans la faille même de la logique. C'est pour ça que Lacan est un manieur de la logique et qu'il est inattaquable sur le plan logique, contrairement à... Parce que pensent les petits psychanalystes de petits pieds qui croient qu'ils en savent plus que Lacan, etc. Mais ils sont très loin d'entrer dans la rigueur de la logique de ce texte-là. Tu voulais dire, Patrick ? Oui, attendez. Je continue. Donc, quand il dit, je lui interprète comme son symptôme. C'est-à-dire que forcément, quelqu'un qui en analyse, qui dirait, je pense donc je suis, ça réclame une interprétation de la part de l'analyste. Et cette interprétation, bien sûr, ne peut jamais être une interprétation de sens. Puisque là, on est dans la psychologie. Dans la psychologie, il force le sens. C'est-à-dire, ah, ça veut dire ça, ça veut dire ça, etc. En psychanalyse, au contraire, puisqu'il s'agit de rectifier les rapports du sujet au réel, donc ça va être un jeu sur l'équivoque. Est-ce que le jeu, le premier jeu, est le même que le deuxième jeu. Là, on est déjà dans une possibilité interprétative, puisque on dit deux fois « je ». Tandis que si on essaye de forcer le sens, en fait, on va trouver 10 000 sens, on va cautériser tous les trous, et en fait, il n'y a rien qui peut se passer. C'est-à-dire que le rapport du sujet à son réel ne peut en aucun cas provoquer ce que Lacan appelle son « désir de réveil », puisque pour lui, vous savez, les choses sont inversées, c'est-à-dire que c'est seulement par le rêve qu'on accède à notre réel, et quand on est là, dans la réalité, on est en train de dormir. Et donc, quand on traverse un rêve assez traumatique pour nous amener au bord de notre réel, c'est tellement inquiétant qu'on se réveille, mais en fait, ce réveil correspond à un endormissement. C'est-à-dire qu'on s'endort dans la réalité, on bouge tous les trous, parce que là, on s'est retrouvé face à la faille du réel. C'est parce qu'il y a cette faille-là qu'il y a l'inconscient. Donc, évidemment, il est fondé, Lacan, à dire qu'il peut interpréter ça pour Descartes. Ce qui ne veut pas dire qu'il se place dans une position de supériorité par rapport à lui. Pas du tout, puisque dans le jeu des positions lacaniennes, il n'y a aucune position de supériorité. Bien au contraire, puisque la position de l'analyste, elle est la position de l'objet petit a. C'est-à-dire la position de l'objet déchu. Donc, de déchet. C'est-à-dire d'être une pure représentation du réel informe à partir duquel, justement, il y a une butée qui permet à l'analysant de se réorienter dans sa pensée. Donc c'est en ça aussi où le travail analytique se différencie radicalement du travail psychologique. Alors, je vais vous donner une articulation que Lacan fait autour de la phrase de Freud, parce que voilà, le je pense donc je suis, c'est emparenté avec la formule Wo es war soll ich werden, Et c'est en parenté aussi avec « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que ça va très loin dans les rapprochements entre ces différents énoncés. Alors, une des premières formules que Lacan reprend de Freud, là où c'était, il s'appuie sur un linguiste qui s'appelle Guillaume et qui parle de l'imparfait. Et il donne cet exemple. Ça, c'est pour illustrer ce que j'avais dit tout à l'heure. J'en viens à disparaître. J'en viens à l'être de disparaître de mon dit. C'est quelques minutes après la bombe éclatée. Voilà, l'imparfait. Eh bien, ça veut dire justement qu'elle n'a pas éclaté. Justement, c'est cette formule qui permet d'expliquer que là où c'était, ben, y avait simplement un étant ayant été, supposé. Donc c'est-à-dire que là où c'était, le sujet il y a déjà sa place. Et le ish doit s'y retrouver, mais il y a déjà cet écart-là. On voit déjà la chose comme ça. Alors, je vais vous donner les trois grandes façons, ça il faut que je le lise, parce que sinon c'est trop compliqué pour moi. Les trois façons, les principales façons, parce qu'on pourra discuter justement des rapports avec la philosophie, avec Kant, éventuellement, peut-être Heidegger, je ne sais pas encore. Il y a trois formules. La première formule, donc « Voes war solis werden », Lacan a bien séparé, pour ce qu'il en est pour lui, le savoir d'un côté et la vérité de l'autre. En fait, il démontre que montre que Descartes, c'est ça qui l'intéresse. C'est pas le savoir qui intéresse Descartes. Ce qui intéresse Descartes, c'est la vérité. C'est ça qui l'intéresse, lui, Descartes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il part en exil et qu'il va, il voyage. Première formule, c'est dans la chose freudienne. Alors, la formule Voes war solis werden, là où fut ça. Dois-je survenir ? Deuxième formule, qui est donc un peu plus tard, quelques années après, dans l'instance de la lettre, là où fut ça, il me faut advenir. Troisième formule, et c'est ça qui est très intéressant, justement, qui est dans la logique du fantasme, donc 10 ans avant cette fameuse conférence de Rome, là où c'était, là comme sujet, dois-je advenir ? Donc il le pose en termes comme un verbe, comme une interrogation. C'est l'interrogation d'un sujet qui s'interroge sur son propre désir, ce qui est la pente de l'analyse, bien entendu. Alors, le débat qui se pose à ce niveau-là, c'est le rapport de ce que pourrait être l'éthique de la psychanalyse avec l'éthique kantienne. Autrement dit, quel est le rapport entre cette formule éventuellement et celle de l'impératif kantien qui est l'impératif catégorique sans bavure, on pourrait dire, qui est absolument irréalisable, insupportable, aucun sujet, c'est ce que dit Spinoza, aucun sujet ne pourrait soutenir cette éthique-là qui est absolument hors de portée. Et la question de « dois-je advenir ?» et Lacan dit que, ben justement, peut-être qu'il ne s'agit pas de répondre aux impératifs qui viennent de l'autre, puisque le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre avec un grand A, c'est peut-être pas d'y répondre, parce que plus on répond, plus on est sur la pente du surmoi, et plus on répond au devoir, plus le devoir est exigeant, et plus on s'en sort pas. C'est comme ça, Freud le repère très bien, ça, il le dit. Plus on cède au surmoi, plus on est persécuté, plus on est malheureux. Et Lacan dit que peut-être que le vrai devoir, c'est de lui dire non. Parce qu'à partir du moment où on peut dire non à cet impératif, un champ d'invention s'ouvre pour le sujet, avec les risques qu'il va prendre. Voilà. Voilà une façon. Ça, c'est un débat qu'on peut reprendre, mais voilà une question que je pose. Il n'y a pas une identité entre l'éthique kantienne de l'impératif et l'éthique de la psychanalyse qui se pose sur le désir. Parce que le désir de l'homme et le désir de l'autre, ce n'est pas une formule surmoïque, c'est une formule dialectique. Nous sommes dans un rapport dialectique au désir de l'autre, avec tout ce que comporte ce statut de l'autre dont on sait qu'il n'existe pas et qu'en même temps on a affaire à lui tout le temps. Voilà, on peut discuter si tu veux. Ben disons, ça c'est je pense un truc un peu trop philosophique justement, où on peut démontrer qu'avec un petit écart de parallaxe, c'est-à-dire en lisant le texte kantien différemment à la lumière de Lacan. Ah, la lumière de Lacan. Oui, on peut l'interpréter de manière très différente, puisque l'éthique kantienne se résume dans une phrase qui dit « Tu peux parce que tu dois. Du kannst, denn du sollst. » On est dans le même « sollst » que « soll ich werden ». C'est-à-dire, il y a une question de devoir. Et lui, au lieu de le mettre sur le truc genre le plus courant, c'est « Tu peux parce que tu dois. » Donc, c'est un devoir. C'est-à-dire que ce n'est pas les conditions matérielles ou l'idée que tu te fais de ton pouvoir faire qui te donne ta direction. C'est un devoir inscrit au fond de toi. C'est ça l'impératif catégorique kantien. Donc, peu importe les conditions matérielles, etc., c'est en ça où c'est une éthique héroïque, si tu es porté par ton devoir assez loin, donc tu vas pouvoir le faire. Et donc ça, on est dans un impératif où il y a une loi, mais si on la lit d'une certaine manière, elle a deux versants. Elle est un versant qui est la loi du désir, selon comment le sujet l'interprète. L'autre versant, c'est son nombre obscène, qui est la loi du surmoi. Mais la loi n'est pas emboutissable uniquement dans le surmoi, puisque la loi, c'est le désir lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'autre loi pour le sujet que la loi du désir. Donc, il y a plusieurs manières de le lire, mais après, tu fais une lecture kantienne de l'impératif kantien. Une lecture lacanienne de l'impératif kantien. Oui, mais parce que Lacan dit que... C'est très important, parce que c'est vrai, Freud, lui, il est comme ça, il assimile l'impératif kantien au surmoi. C'est comme ça, il le fait comme ça. Il ne discute pas, il parle très peu de ça, mais il l'identifie comme ça, et effectivement, ça peut être trompeur. Alors, c'est intéressant cette histoire de formule que tu donnes en français. Tu peux parce que tu dois. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait résonner. Tu deux fois. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est à l'article de la mort, là. Il y a quelque chose du rapport à la mort. Hein, c'est ça. Hein, j'en viens à l'être de disparaître de mon dit. Ça veut dire qu'il y a à l'horizon, il y a la mort quand même. Hein. La mort, au sens de ce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais elle s'inscrit dans la parole sur ce mode-là. Hein. Mais alors, le progrès, à mon avis, c'est un progrès, c'est peut-être pas un progrès, mais en tout cas, c'est plutôt une promesse, je dirais, plutôt qu'un progrès, parce qu'il faut y aller quand même, c'est que Lacan dit « là où c'était, dois-je advenir ?» C'est-à-dire qu'il le pose en termes d'interrogation. C'est-à-dire qu'autrement dit, il dit « pas tu ». Tu vas y aller, c'est là où c'était, dois-je advenir ? Et peut-être que le devoir, c'est de dire non. C'est de dire non à l'impératif catégorique. C'est de le transmuter en désir. Alors évidemment, la question du désir qui se pose là est difficile à résoudre. C'est la grande question de la psychanalyse. Mais voilà, ce que je voulais introduire, c'est cette notion de comment ces lectures permettent d'écarter un peu les choses. Oui, mais parce qu'il y a une identité spéculative entre le devoir et le désir, paradoxalement. C'est-à-dire spéculative, c'est-à-dire. Spéculative, ça veut dire qu'a priori, c'est considéré comme des opposés. Ce que je dois faire, c'est un truc qui ne m'apparaît pas comme étant mon désir, puisque c'est quelque chose qui me pèse dessus, que je dois faire. Et pourtant, au terme du travail dialectique, en fait, c'est le désir que je dois accomplir. Donc, soll ich werden. Dois-je. Le dois-je advenir de Lacan, il y a le devoir. Et donc, il dit quand même très clairement que c'est la loi du désir, elle est là. La loi, c'est Kant qui la formalise comme ça. C'est-à-dire qu'il explique qu'il y a quelque chose qui vient. Moi, j'ai eu Comment tu définis la loi de Kant, toi ? Comment il l'a définie, Lacan ? La loi. Lacan, je ne sais pas. Non, mais Kant, je dis Kant, Lacan, c'est quand même un peu. C'est comme quelque chose d'exogène qui vient. et qui te force. Alors moi j'ai vu ça avec ma fille à partir de l'âge de 7 ans, la manière dont elle pose des questions, parce qu'elle a, elle a ce don de parler, de dire les choses. Et à partir des moments, elle a commencé à se dire, pourquoi quand je fais quelque chose, je me pose maintenant la question, est-ce que je dois le faire ou pas le faire? Est-ce que c'est bien de faire ça ou pas? Alors qu'avant, je ne me posais pas ce genre de questions. C'est-à-dire qu'il y a un impératif catégorique qui vient et qui la parasite. C'est comme ça que présente Kant. Oui, oui, mais justement, et, parce qu'elle est femme, elle peut poser ça en termes de est-ce que je dois ou pas? Tandis que si c'était un garçon, il se regarde à vous et il s'engagerait dans la Légion étrangère tout de suite. La différence est là quand même, non? Bah, c'est quand même une femme. Ça fait partie de justement des éléments de sexuation qu'il y a entre le penser et l'être. Parce que paradoxalement, bien sûr, avec toute la pression du discours capitaliste notamment, les hommes sont censés penser, il y a des penseurs, et puis les femmes, non. Mais Kant démontre que c'est exactement le contraire, puisque ce sont les femmes qui pensent et les hommes, non. Parce que les femmes, dans le choix forcé entre le penser et l'être, elles choisissent le penser, le « je pense » par rapport au « je suis ». Parce que comme on a vu tout à l'heure que c'était un choix forcé, et qu'on est perdant à chaque fois que l'on fait le choix forcé, donc les hommes, eux, « je suis », donc ils pensent qu'ils sont. Donc ils vont substantialiser le « je ». Donc ça va devenir un « moi-je ». Moi-je, moi je dis ça, etc. Donc ils pensent exister. Hein? Tandis que les femmes, elles, qui choisissent le « je pense », en fait, elles vont jusqu'au point d'évanescence du penser et de l'être. Une pensée sans prédicat. Ce que j'avais exemplifié lors du séminaire de l'an dernier ou de l'année d'avant. Elle en vient à l'être de disparaître de son dit. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a cette perception-là. Oui. Parce que c'est un rapport à la jouissance. De repousser, exactement, la jouissance. Comme cette image que j'avais mise où il y a Ripley dans Alien 4 où avec le monstre, l'alien, là, qui représente la pure substance de jouissance extrêmement prégnante et qui est débordante de vitalité, de hors-sens. Et Ripley, elle a les yeux fermés, comme ça, c'est le thème de la jeune fille et la mort qu'on retrouve de Schoenberg, etc. C'est-à-dire qu'elle est dans le penser, là. Elle se réfugie dans le penser, qui est le penser en tant qu'une position virtuelle absolue d'être le regard du fantasme. Donc elle se voit dépourvue de son propre corps, en fait, puisque le corps est là comme une substance jouissante, exogène et étrangère. Alors c'est difficile de parler de ça, parce que dès qu'on en parle, on fait chuter le sens. Mais par exemple, dans la vidéo que tu as mise l'autre fois, avec cette jeune mère qui parle à son enfant, là on a la manière dont se distille la jouissance entre... la substance jouissante du corps en tant qu'elle est quelque chose qui déborde hein, à la naissance et qui fait que le bébé va crier, il est parcouru par quelque chose, et puis ensuite quand sa mère lui parle, elle commence à lui parler, et la jouissance cette fois s'inscrit dans la parole de la mère, et évidemment ça le pacifie, c'est-à-dire il s'apaise dans son corps. Et il écoute, il commence lui-même sa lalation à parler, à émettre des sons. Et là, en fait, on voit le passage, justement, du « je suis » au « je pense ». Puisque là, il est pensé. Hein? Et c'est ça que dit Lacan. En fait, ce n'est pas nous qui pensons. On rejoint le malin génie de Descartes du « je pense ». C'est-à-dire, dans le discours, le sujet est déjà pris dedans. Donc, la difficulté pour nous est d'accepter cette castration. On peut dire que la loi, c'est que nul n'échappe à la loi. Le fait que nous soyons des êtres humains, c'est que nous sommes tous castrés. Castrés, ça veut dire que nous sommes dans le symbolique, nous n'avons pas accès directement à notre corps. Chaque fois, nous devons passer par la médiation de la parole pour accéder à notre corps, donc par un jeu et non pas directement à l'être. Mais je ne sais rien de ce qui se passe en ce moment quand je bois mon thé dans mon pancréas, je n'ai aucun accès à mon corps, c'est coupé, c'est ça la castration. Je ne peux que parler de ça et je suis déplacé du côté du je pense, donc dans le langage, mais pas dans le corps. C'est pour ça qu'on est dans une opposition entre le je pense et le je suis. Je voudrais justement marquer une petite pierre blanche parce que je crois qu'on aura à y revenir. Que ça n'a jamais été vraiment exploré sérieusement, c'est que on a tendance à tirer la loi du côté d'un espèce de juridique comme ça, hein, un Dieu qui impose des lois, qui c'est les fameux 10 commandements qui sont d'ailleurs, il faut le dire, même si ça a été écrit sur une pierre, on ne sait pas par qui, c'est quand même les lois de la parole. C'est-à-dire que les 10 commandements, on les transgresse tout le temps, mais en même temps, c'est elles qui garantissent qu'il puisse y avoir une parole. Si on ne respecte pas un minimum de choses, ben, on ne peut plus parler. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans nos sociétés, puisque tout le monde transgresse et que la parole n'a plus aucun sens. Vous ne pouvez plus prouver votre identité simplement en parlant. Il faut que vous ameniez des pièces détachées, ce qu'on appelle des pièces d'identité, le permis de conduire, l'alcotest, l'ADN, et ça va continuer comme ça, on est découpé, on n'a plus d'identité autre que comme ça. Parce que Lacan, lui, il situe pas du tout la loi là-dedans. Il avait situé la loi d'abord dans un premier temps du désir, j'entends, dans les lois de la parole. Hein. Donc, une théorie de la cure qui se conclut par une espèce de réconciliation du sujet avec son désir, dans la mesure où, parti d'une parole vide, il arrive à une parole pleine, où il y a son être. Là. Quand il dit ça, c'est vraiment, il est là. Donc ça, c'est réconciliation, qui traduit dans les termes « don, soumission, grâce » à la loi, don, voilà. Deuxième temps, au contraire, il va dégager la chose, parce qu'à la première époque de sa vie, il parle du sujet en tant que... c'est pas encore le sujet divisé. Dans le stade du miroir, le sujet n'est pas un sujet divisé. Ce n'est que dans « Subversion du sujet dialectique du désir » en 58, qu'il introduit la notion du sujet divisé. Et ce fameux sujet dont on parle, il dit le je, qui est impossible à dire, je suis à la place d'où se vocifère que la jouissance est un défaut dans le non-être. C'est du costaud, hein, ça. L'être est un défaut. Hein, je suis à la place d'où se vocifère, hein, c'est vraiment la vocifération de la jouissance, c'est quand même ça. Hein, c'est d'où se vocifère que la jouissance est une... Non, c'est pas que la jouissance, que l'être est un défaut. Non, je suis à la place, je l'ai dit tout à l'heure, j'arrive plus à leur dire. Je suis à la place d'où se vocifère que la jouissance est un défaut dans le non-être. Voilà, hein. C'est-à-dire que la jouissance, c'est du réel, quoi. Le non-être, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Et bien entendu, dans le non-être... Il y a quelque chose de l'ordre peut-être du réel qui est là, mais manque de peau, il y a la jouissance. Et il faut bien distinguer ce qu'est le réel de la jouissance du réel. Lacan fait très bien cette distinction-là, et il dit que le réel de la jouissance, c'est finalement, c'est un réel qui brûle, c'est un faux réel, c'est le symptôme. Alors que le réel, en fait, c'est un feu froid. Et il dit que les seuls qui peuvent, alors il le dit comme ça, moi j'en sais rien, hein, que les seuls qui peuvent jouir de ce réel un peu froid, il dit, c'est les mathématiciens. Dans la salle, il y avait des mathématiciens qui l'écoutaient. Et il glisse quand même un petit truc en disant, mais oui, mais après tout, est-ce que les mathématiques, ça ne serait pas un symptôme? Et personne ne lui a répondu là-dessus. Enfin, ça vaut la peine de voir qu'il y a une distinction qui est faite là. Alors, où est-ce que j'en suis dans mon raisonnement? Je suis un petit peu perdu, là. C'est la question de la loi. Parce qu'on rapporte, nous, plutôt, la loi du côté du juridique. C'est l'univers est un défaut dans la pureté du non-être. Voilà, c'est ça. Est-ce que la loi, c'est le juridique? Est-ce que c'est l'ordalie des dieux? Est-ce que c'est des choses comme ça? Après tout, c'est pas exclu. Mais Lacan, il va dire que la loi du désir, c'est la loi de l'amour. Alors maintenant, il va falloir redéfinir ce qu'est l'amour chez Lacan. Et ça a à nouveau une difficulté supplémentaire. Parce qu'il va sortir un autre truc vers la fin. Personne n'exploite, sauf moi. J'essaye en tout cas, parce que j'arrête pas de dire Lacan dans tous les sens. Il va dire que l'amour, c'est un truc absolument hallucinant, l'amour, c'est l'imaginaire spécifique de chacun. Donc, pas du tout de l'amour narcissique, l'amour, c'est l'imaginaire spécifique de chacun. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, ça? S'il place le corps dans l'imaginaire, dans la consistance imaginaire, ça veut dire que l'amour, ça vient pas du côté du narcissisme, ça vient pas du spéculaire, ça vient pas du stade du miroir, le rapport de l'enfant à la mère, ça vient du corps. Et effectivement, Freud, il dit que, alors qu'au début il disait que l'amour et la haine, c'était des pulsions, il finit par dégager le truc, il dit non, il dit l'amour, ça vient du corps. Et on dit à quelqu'un, j'aime une femme comme j'aime le ragoût de mouton, par exemple. C'est quand même assez étonnant comme bascule comme ça. Alors, on voit toutes les questions. Bon, moi, je dis simplement que je reviens sur ce que je veux laisser aujourd'hui et je verrai ce que j'en ferai plus tard. C'est l'amour, la loi, c'est l'amour. Hein, c'est la loi de l'amour. C'est pas du tout ce qu'on disait avant. Question qui mériterait qu'on puisse avancer. Ça n'est qu'une question pour moi, ça n'est pas une affirmation. Et voilà, je voulais le dire comme ça, par rapport justement aux impératifs kantiens et finalement dois-je advenir, qui est l'interrogation du sujet, sur quoi il se guide pour dire là je dois advenir. Effectivement, la cure analytique lui donne une voie d'accès, qui n'est pas toujours accessible d'ailleurs, il lui donne l'accès à une possibilité dans la cure d'advenir à la place où ça a été, un ayant été qu'il était. Hein. Quand tu parlais de la vidéo, c'est ça qui m'avait frappé, c'est de voir comment ce petit enfant dans les bras de sa mère, qui a l'air assez forte, hein, parce qu'elle est capable de soutenir le truc, comment elle, de sa lalation, elle le fait accéder à la dimension de la langue, et donc du langage et tout. C'est une vidéo extraordinaire, une petite vidéo qui dure 2 minutes 50. Il y a quelqu'un, ils ont filmé ça, puis ils n'ont pas exploité ça comme on le fait, nous. Hein. Voilà. Donc, ça en passe, et c'est vrai que dans la cure analytique, ça passe par le transfert. C'est quand même le transfert, c'est l'amour. Hein. Mais l'amour, mais quel type d'amour dans la psychanalyse? C'est pas l'amour narcissique, c'est pas du tout ça, c'est pas l'amour de l'objet. C'est l'amour vrai, dit Lacan, c'est comme il dit même un amour plus digne. Plus digne, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Lacan, la dignité en général, ça le fait rigoler. Hein. Bon, enfin, la dite plus digne. Alors, moi, j'ai inventé un truc parce que j'essaye de comprendre quand même, ça me tracasse. Je me suis dit, tu avais écrit un petit machin sur y croire et le croire, hein, tu faisais la distinction entre les deux. Alors je me disais, au fond, je me suis imaginé femme d'abord. Hein. Je me suis dit, bon, au fond, une femme, elle peut y croire à son homme, hein, elle peut y croire, mais à condition de ne pas le croire, hein, sinon c'est l'enfer. Et je me suis dit, mais alors, pour un bonhomme, difficile, parce que je me suis dit, comment je raisonne moi avec ça? Ben moi, je me suis dit, je raisonne pareil. À une femme, je peux y croire, mais là, je suis absolument sûr qu'il ne faut pas la croire. Voilà, alors, voilà cette question. Alors, l'amour plus digne, ça se pose dans ces termes-là. Il ne s'agit pas d'un amour qui a pour but de capturer l'autre et de le mettre dans une cage, la cage du narcissisme, bien entendu. Hein. C'est un amour nouveau qu'avance la psychanalyse, qu'invente la psychanalyse, qui est quand même tout à fait nouveau, c'est l'amour du savoir. L'amour du savoir dont on a horreur, parce que c'est l'horreur de vouloir savoir. Il y a de l'horreur, il faut franchir la frontière qu'est l'horreur de savoir pour aller dans le savoir. Mais quel savoir? De quoi il s'agit? C'est le savoir inconscient? Et l'inconscient, c'est un chancre, c'est une saloperie. Hein. Et Lacan va le dire, il va dire, ceux qui n'aiment pas leur inconscient errent. Alors on se dit donc, il faut que j'aime mon inconscient, hein, pour être sûr de ne pas errer, pour au moins avoir une vie solide. Ben pas du tout. Il va renverser le truc, il va dire, et pour la première fois de l'histoire, vous allez pouvoir errer, parce que à condition de ne pas aimer votre inconscient. Voilà encore une nouvelle énigme, un nouveau... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que constamment, comme dans « Là où c'était, je dois advenir », il faut que le sujet... Il y a un retournement. Hein. Il y a un retournement vers une origine mythique, parce que ça, elle n'existe pas, l'origine. Hein. C'est comme le souvenir. Le souvenir écran, il a autant de valeur que le noyau soi-disant originaire. Il n'y a pas de noyau originaire. C'est toujours reconstruit après coup. Ça n'existe pas, le traumatisme. Il n'y a pas de traumatisme de la naissance, ça n'existe pas. Ça, c'est des trucs qu'on a fixés dans les discours courants de la psychanalyse. On est traumatisé par le malentendu, c'est-à-dire par les équivoques. Et quand vous lisez des textes, vous êtes traumatisé parce que vous comprenez un jour ça, un jour ça, c'est ça le traumatisme. Et ça se répète toute la vie, on est toujours traumatisé par le malentendu, mais pas par... ce qu'on aurait souffert. Il n'y a pas de traumatisme de la naissance, c'est complètement idiot. Un petit bébé, c'est un athlète, vous vous rendez pas compte de ce que c'est que de sortir du ventre de sa mère. Un bébé, c'est un athlète, avec un souffle considérable, qui est capable de rester très longtemps sans respirer, hein, au moment où il sort du ventre. Et puis quand il sort, les poumons, se met à crier, et les poumons se déploient. Hein, voilà. Il n'y a pas de traumatisme de la naissance. Voilà, tout ça, c'est... On est là-dedans, là, à propos de là où c'était, je dois advenir. Et justement, parce que la bascule cartésienne aussi met en scène le fait du sujet moderne, donc à partir de là, né le sujet moderne, et auparavant, donc, jusqu'à ce moment-là où la vérité et le savoir étaient indissociables, je savais que j'étais redevable d'une faute possible de mes aïeux. Donc toute la mythologie est basée là-dessus, quand même. Oedipe, c'est que, voilà, il doit payer pour... Et puis, j'accepte mon destin en tant que tel. À partir du moment où cette généalogie... Parce qu'en fait, la véritable transmission, elle n'est pas génétique, elle est généalogique pour les humains. C'est-à-dire, ce qui se transmet, c'est pas les gènes, puisque... N'importe quel généticien un peu sérieux se rend compte que le système humain est le seul qui décode la genèse. C'est-à-dire que les gènes ne sont pas surdéterminants comme dans les espèces animales. Parce que dans les espèces animales, le contexte naturel dans lequel les animaux vivent détermine leur réponse, donc leur autre. Ils sont pris dans quelque chose de fermé. Donc, un animal ne se pose pas la question de savoir si ce champignon est bon ou pas bon. Il n'a pas consulté la planche des pharmaciens. Il sait, parce qu'il y a un savoir inscrit dans le réel, dans son environnement, que ben, il ne doit pas manger ça. Et puis, s'il voit tel prédateur, il a intérêt à se barrer, parce que voilà, ce n'est pas quelque chose qu'il apprend. Hein. C'est inscrit dans son environnement. Nous sommes nous-mêmes, donc, dénués d'environnement. Parce que c'est le langage de notre environnement. C'est-à-dire que nous sommes entièrement parasités par ce langage-là. Donc, nous n'avons plus accès, nous n'avons aucun instinct. Un bébé n'a pas d'instinct. Donc, c'est pour ça qu'il est perdu. Et le fait d'être perdu dans le monde, lost in space, ça équivaut à être perdu dans le langage également. Nous sommes perdus, radicalement perdus. Donc, la psychanalyse, en tant qu'elle est une possibilité pour le sujet, va poser une borne à cette perte qui permet d'orienter la quête. C'est le réel. Le réel, c'est justement un impossible, contrairement au discours courant qui, lui, prétend que tout est possible ou le sera un jour. Donc le sujet lui-même se perd dans toutes ces possibilités infinies qui s'offrent à lui comme un miroitement sans fin, tandis que poser un impossible, ça pose une borne qui réoriente les possibilités pour le sujet d'advenir, justement, à lui-même comme sujet. C'est-à-dire que il ne peut pas, par rapport à ce que tu as dit, effectivement, il ne peut pas devenir le sujet de l'énonciation, mais il peut réinscrire son propre sujet d'énonciation dans chacun de ses énoncés. Puisque se perd, dès que je dis « je », il y a toujours un souffle qui va séparer le « je » que je dis du « je » de mon énonciation. Les deux ne peuvent pas se confondre. Donc le « je » de la psychanalyse, le sujet de la psychanalyse, c'est celui qui ne peut pas se dire. Et qui chute dans un énoncé. Mais il y a toujours cet écart-là, c'est ça l'impossible. À partir de là, on est sur la possibilité du sujet. Et on est dans l'inconscient, et on est dans l'analyse. Et là, on se distingue de l'universitaire, du scientifique, etc. Alors, si tu veux bien, moi j'aimerais conclure maintenant à propos de où est la limite de cette quête, justement. Comment on peut la cerner, la limite de cette quête ? Ben, c'est une le point d'aboutissement de cette quête, ça se termine comme un ombilique. C'est pas par hasard que ça se termine comme l'ombilique du rêve. Si vous vous souvenez du rêve de l'injection faite à Irma par une formule de la triéthylamine. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est comme ça, parce que je vais vous rapprocher de ce que dit Freud, qui se rapproche justement de la quête, disons, de Descartes. Je ne parle pas de ceux qui se disent cartésiens, je parle de Descartes, mais aussi de la psychanalyse, son « Wo es war, wo soll ich werden ?»« Là où c'était, dois-je advenir ?» Eh bien, lui, il va dire une première chose, il va dire, Freud, « Dans le rêve, tu es chez toi. » Il va le dire comme ça. Dans le rêve, le sujet est chez lui. Il le dit, c'est comme ça qu'il entre dans la chose. Et le deuxième point, et vous le connaissez tous, il aurait souhaité comme ça qu'on grave sur une pierre, ici, on a découvert le secret du rêve. On va rester là-dessus, je pense, parce que sinon on va partir dans tous les sens. Voilà. Bon, si vous avez des questions. T'es d'accord, hein? Oui, alors je vais quand même juste finir sur ce que j'ai commencé, c'est-à-dire qu'auparavant, je me sentais débiteur de mes ancêtres, d'une parole qui s'était perdue, donc cette généalogie inconsciente, cette transmission de l'inconscient, je la reprenais à mon compte, comme destin, et le sujet moderne, lui, il est coupé de tout ça. Donc, il ne sait même plus la parole qui s'est perdue, mais non seulement il ne la sait plus, mais il a l'impression qu'il en est libéré. Donc forcément, ça revient dans le réel, puisque la parole ne se perd pas. Bien sûr, puisque la transmission, c'est la transmission de l'inconscient. Donc c'est par la parole, et c'est là où justement Freud amène la possibilité de l'analyse comme moyen de dénouer par la parole ce qui a été noué par la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre définition, donc c'est une discipline de la parole. Parfait. Vous avez une question? On est arrivé à dérailler, c'est bien.